Garde la pêche. Les MC sont fauchés, prisonniers dans leur rôle. Négro cherche pas à savoir combien je pèse en euros. Personne, je ne vénère, le bédo calme m'énerve. Les rappeurs ont le cul gercé depuis que j'exerce. Et on a percé tout seul, moi et mes partenaires. Le rap français a trouvé son flow par terre. Nos chicots raillent le parquet. Montage rançon hélicoptère, j'ai du calcaire dans les artères. Un cœur de pierre, tu peux pas stopper la musique. C'est elle qui m'a écarté de l'illicite. 9 de Hiroshima, je suis un sérum de vérité. Les menteurs m'empoisonnent, je suis armé. Parachocolisé, homme, fusil à pompe, baïonnette. Viens dans mes pompes, malhonnête. L'état, c'est Gepetto, j'suis une ghetto, marionnette. La street, mon baromètre, t'es KO, t'es mort, mec. N'essaie pas de clasher, tu ne vas pas t'en remettre. Tu veux frimer, tu veux test, garde la pêche. Depuis le crime pèse, zéro défait, garde la pêche. Tu veux que tu viennes rapper gratos, garde la pêche. Et si c'est l'eau, sera la mose, garde la pêche. Le destin fait la loi, sélection naturelle. Ma mère, c'est mon père, j'suis number one pour elle. L'argent, le pouvoir, c'est le nerf de la guerre, je veux la faire, la gagner pour la chair de ma chair. Je ne veux pas commentaire, au père, la chaise dorée est le trône électrique et la chaise gorée, c'est ma terre. L'égalité, c'est ma lutte. Je combat contre moi-même, je perds, c'est ma chute. Si t'es sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma pute. Périlleuse, à la street, j'ai un gun dans mon fut. J'ai crié mon avis, maquillé mes pratiques. Aquatiques sont les MC, Paris n'est pas si magique. T'es sur écoute, tu veux mon fun, garde la pêche. Je veux baiser sans sucer bouffonne, garde la pêche. Au lieu de la vente, tu la sniffes, garde la pêche. Je voudrais que je t'offre pour le SMIC, garde la pêche. Sans diplôme, c'est dire que wesh wesh, garde la pêche. T'as pas de mandat, t'es au heads, garde la pêche. Je veux monter sur le ring, garde la pêche. Je veux faire un featuring, garde la pêche. Je voyage en première, mes disques d'or dans la soute. Le rap français, le hip hop, j'en ai rien à foutre. Je suis meilleur que Molière, tatoué sans muselière. Prendre mon bif, m'arracher, changer de fuseau horaire. J'ai commencé au départ, je ne valais rien. Si tu nous veux, tu nous payes, on sent pas les reins. T'as vu, tu verras mon place dans une garde à vue. Retenu, détenu, rien ne se passe comme prévu. Je fais des tubes, bébé. J'suis tellement côté tes petites putes que tu veux test, fais deux os pour te faire de la pub. Quand ça tire, tu cavales, avales. Quand j'éjacule, il serait mieux pour tout le monde que d'être trop sans recul.